Chanson sans titre sur l'histoire d'un mec qui a paumé ses clés. Paroles, Johan. Musique, Tony. Fomblard. C'est parti. Moi je vis encore chez mes parents, je vais au lycée tous les matins. Je prends la route, les cheveux au vent, la légère brise contre mes mains. J'arrive au lycée, la tête vide et le sourire jusqu'aux oreilles. Mais entendre l'expression limpide, mes potes me sursautent du réveil. Pourtant une chose occupe mes pensées, une chose qui fait angoisser. Où est-ce que j'ai bien pu foutre mes clés? Oh putain, je crois que je les ai paumés. Je suis sûr que ma mère, elle va me tuer. Putain, fais chier. Putain, fais chier. Tout droit sorti de cours de chimie, je sors du lycée un peu endormi. La sale tronche que se fait ma prof fait penser au friend rock d'un œuf. Je fais la bise à 2-3 ex, je grimpe sur mon BMX. Je tourne le dos, elle me fixe, mon beau petit cul est un prétexte. Pourtant une chose occupe mes pensées, une chose qui me fait angoisser. Où est-ce que j'ai bien pu foutre mes clés? Oh putain, je crois que je les ai paumés. Mais comment que je vais rentrer? Oh putain, fais chier. Oh, oh, oh, oh. Oh putain, fais chier. Oh, oh, oh, oh. Oh mais je pense pas que je vais rentrer, je vais rester là à rigoler. À part les clips, à fumer clope, à part les bites avec mes potes. Putain, mais merde, c'est putain de clé. C'est pas que je les aime pas, mais je vais rentrer. Alors je fouille une dernière fois. Oh putain, elles sont là. Pourtant une chose occupe mes pensées, une chose qui me fait angoisser. Où est-ce que j'ai bien pu foutre mes clés? Oh putain, je les ai retrouvées. Bon les gars, je crois que je vais vous laisser.